Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, un destin, celui de Benjamin Lay, grande figure de l'abolitionnisme au XVIIIe siècle, un destin et un personnage hors normes. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il s'appelle Benjamin Lay, L-A-Y. Qui était-il ? Ben, le mieux est de regarder dans le dictionnaire, et pourquoi pas un vieux dictionnaire, celui de messieurs Chaudon et Delandine dans son édition de 1812. Lay, Benjamin, distingué par sa bienfaisance, était anglais et destiné à la marine. Tiens, voilà, nous avons un bonhomme du début du XVIIIe siècle, et le dictionnaire précise... Partout, il attestait comme témoin oculaire la mauvaise conduite des propriétaires d'esclaves. Tiens, serait-il un des premiers abolitionnistes ? Le dictionnaire ajoute, il était d'une sobriété rare, ne vivait que de légumes, ne buvait que de l'eau. Ah, un vegan avant l'heure. Les courageux et constants efforts contre la pratique de l'esclavage lui font le plus grand honneur. Voilà une conscience au milieu du siècle des Lumières. Mais surtout, l'auteur du dictionnaire ajoute « L'âpreté et la sévérité de son caractère convenaient assez au temps où il a vécu. » Abolitionniste, végétarien, Benjamin Lay était-il un homme de son temps ? Bah oui, évidemment, factuellement, il a vécu, il était donc dans son siècle. Mais il était hors norme, déjà par sa taille, 1m20, et puis... Ce petit bonhomme bossu était plutôt véhément. Benjamin Lay, l'un des plus fervents abolitionnistes et surtout l'un des premiers au début du XVIIIe siècle, plaisir de le rencontrer. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au travail forcé, au travail sans liberté. Nous avons déjà évoqué l'esclavage dans l'Antiquité, Spartacus, et le servage en Russie. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, rejoignez-nous sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission, l'actualité de l'émission et de l'histoire, ainsi que le journal de l'histoire d'Anaïs Quien qui nous rejoindra en fin d'émission. Anaïs qui assure également la programmation du cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une figure de l'abolitionnisme avec vous, Marcus Rediker. Bonjour. Good morning. Bonjour. Alors, j'adore ce good morning. Tout de suite, nous y sommes. Vous êtes historien américain. Vous arrivez de Pittsburgh. Vous êtes professeur d'histoire atlantique à l'université de Pittsburgh et l'auteur de cet ouvrage, Un activiste des Lumières, le destin singulier de Benjamin Lay. C'est publié au Seuil. J'ai tout de suite envie de vous remercier, Marcus Rediker, de vous remercier de cette rencontre que vous nous offrez avec ce personnage, Benjamin Lay. C'est une vraie rencontre. On ne le connaît pas assez. Vous faites cet ouvrage pour nous le faire découvrir. Merci donc. Mais vous, Marcus Rediker, comment l'avez-vous découvert ? Je dois commencer par dire que Benjamin Lay est probablement l'un des personnages historiques les plus fascinants dont personne n'ait jamais entendu parler. Je suis tombé sur lui pour la première fois il y a plus de 20 ans, alors que j'écrivais un autre livre, un livre qui s'appelle L'Hydre à plusieurs têtes, que j'ai écrit avec Peter Limbo. Et je suis tombé sur le livre que Benjamin Lay a écrit, dont le titre se traduit par « Tous les propriétaires d'esclaves qui conservent des personnes en esclavage sont des apostats. » Exactement. C'est un des tout premiers livres écrits contre l'institution de l'esclavage et un des plus véhéments. Et plus j'ai découvert ce personnage, plus il m'est apparu clairement que cet homme méritait son propre livre. Donc je ne l'ai pas intégré dans ce premier projet, je l'ai mis de côté. J'ai écrit d'autres livres, mais je suis revenue vers ce personnage parce que j'ai pensé que c'était une bonne personne à connaître à notre époque. D'ailleurs, Marcus Rediker, dans votre travail, dans votre carrière, dans votre œuvre, il y a justement une espèce de construction en Frucus. Vous avez travaillé, vous l'avez évoqué, sur l'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire. Donc, c'est cet ouvrage « L'hydre aux mille têtes ». Vous avez travaillé sur les pirates. À chaque fois, nous sommes sur des ensembles. Vous prenez la question, on va dire, à bras-le-corps. Ce sont vraiment de nombreux personnages, un espace très large. Et aujourd'hui, vous faites un focus sur un personnage. Ce changement de démarche, c'est un peu un aboutissement, c'est-à-dire que pour moi, vous n'avez pas simplement trouvé Benjamin Lay au milieu de vos recherches en vous disant « Tiens, il est intéressant, je vais faire un livre ». C'est plutôt une continuité dans votre démarche pour mieux comprendre cet espace qui vous intéresse, c'est le monde atlantique. Oui, c'est tout à fait vrai. J'écris l'histoire d'en bas, c'est comme ça qu'on appelle ça. Toute ma carrière en tant qu'historien a été consacrée à essayer de retrouver des luttes que nous avons perdues, des choses dont nous ne souvenons plus, de retrouver des voix de personnes qui ont été laissées en dehors des livres d'histoire. Beaucoup de ces personnages étaient des marins, des esclaves, des travailleurs de toutes sortes, des gens qui ont subi des violences au cours de leur vie. Certains de ces livres sont écrits d'un point de vue très large. L'Hydre aux mille têtes couvre l'histoire de millions de travailleurs sur deux siècles d'histoire. D'autres livres sont centrés de façon beaucoup plus précise sur une période très courte. Mais jusqu'à présent, je n'avais jamais écrit une biographie d'en bas. C'est l'un des aspects qui m'a attiré chez Benjamin Lay. Cette discipline qu'il faut pour comprendre une vie en particulier, la vie d'un travailleur ordinaire qui a produit une avancée majeure dans la pensée humaine. Donc l'intrigue pour moi, l'énigme, c'était comment cet homme qui était très peu éduqué est devenu l'un des opposants les plus féroces à l'esclavage que le monde avait jamais connu à l'époque. Et donc j'ai écrit ce livre pour répondre à cette question. Donc c'est une histoire intellectuelle, mais d'en bas. C'est quelqu'un qui, à l'époque, réfléchit aux problèmes majeurs de son époque. Marcus Rediker, dans cette volonté de faire de l'histoire venue d'en bas, et dans cette démarche qui vous porte à regarder les marges, à regarder les pirates, les forçats, les négriers, ce qui est en marge, ce qui est hors norme, vous êtes tombé sur Benjamin Lay et disons que là, vous avez tiré la timbale. C'est un personnage extraordinaire, il cumule toutes les marginalités de ce début du XVIIIe siècle. Ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui étaient considérés marginaux pendant si longtemps, Benjamin Lay, même s'il a passé les 27 dernières années de sa vie aux États-Unis, il est quasiment inconnu là-bas aussi. Ce n'est pas seulement en France. Mais il s'avère que ces soi-disant marginaux sont en fait centraux sur des sujets historiques majeurs. Et dans ce cas précis, comment se fait-il qu'à une époque où la plupart des gens considéraient l'esclavage comme faisant partie prenante de l'ordre naturel des choses, quelqu'un ait pu s'exprimer, prendre la parole et s'y opposer et dire non, il faut que ça cesse et que ça cesse tout de suite. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que cet homme qui était invisible jusqu'à présent est très important pour comprendre l'un des thèmes majeurs de l'histoire humaine, c'est-à-dire l'esclavage et l'abolitionnisme. Marcus Rediker, vous avez raison de souligner, il faut le faire sans cesse, que dans l'état d'esprit du début du XVIIIe siècle, l'esclavage est une évidence. Vous écrivez dans votre ouvrage « Un activiste des Lumières » que l'esclavage est une réalité aussi naturelle et permanente que le soleil, la lune et les étoiles. C'est une évidence pour la plupart des gens du XVIIIe siècle, mais en faisant un focus, un regard sur ce personnage, Benjamin Lay, vous montrer cette brèche qui nous intéresse, qui, en tant que être humain du 21e siècle, nous pousse à porter un regard sur le passé en nous disant « Mais tiens, est-ce que tout le monde pensait ça ?» Non, il y a une brèche, il y en a certains, c'est le cas de Benjamin Lay, qui luttait contre l'esclavage. Et ces personnages sont essentiels parce qu'ils remettent en cause toute notre vision en disant « Certains savaient, donc ce n'était pas une évidence ». Je pense qu'à son époque, Benjamin Lay était probablement la personne la plus radicale sur Terre, du monde entier, parce qu'il croyait à l'égalité de classe, à l'égalité des races, à l'égalité des sexes, à l'égalité entre les êtres humains et les animaux, et il avait une conscience environnementale. L'une de ses phrases célèbres, c'est « Faites attention, riches qui empoisonnez la terre pour votre avidité ». C'était il y a 300 ans, il est remarquable qu'il ait dit une chose pareille. La plupart des gens aujourd'hui penseraient que cette association de convictions ne pouvait être possible que depuis les années 70, s'intéresser ainsi à la classe, à la race, au genre, au sexe, aux animaux. Il était extrêmement en avance. Il est toujours très en avance par rapport à nous aujourd'hui. Et il y a 300 ans déjà, il disait ça. Donc sa modernité est extrêmement surprenante. Et c'est pour ça que ça nous parle aujourd'hui, à notre époque en particulier, l'époque du changement climatique et de la catastrophe écologique. Il était très conscient de ces aspects-là il y a bien longtemps. Marcus Rediker, c'est ce que l'on ressent en lisant votre livre. Effectivement, des réflexions de Benjamin Lay qui nous parlent à nous aujourd'hui. Et malgré tout, c'est un homme du début du XVIIIe siècle. Enfin, il est né à la fin du XVIIe. Et il faut le replacer dans son temps. Benjamin Lay est un Quaker. Souvenons-nous de ce qu'ils étaient à travers les archives de la radiodiffusion française en 1957. Vous ne savez pas ce que sont les Quakers, les Quakres, comme on disait en France autrefois. Et cependant, ils furent incontestablement un des facteurs les plus importants pour l'orientation de l'Amérique dans sa ligne actuelle. Ils jouèrent un rôle déterminant à la naissance des démocraties modernes, à la base même de l'idée de fraternité, de liberté. Les mots qui ont vieilli retrouvent avec eux leur sel, leur puissance de jet. On cite une anecdote relative à William Penn, fils de gentilhomme et gentilhomme lui-même, qui avait demandé à Fox s'il pouvait, en devenant Quaker, conserver son épée. George Fox aurait répondu « Porte-la aussi longtemps que tu pourras ». Ce mot est significatif de l'esprit Quaker, basé sur la tolérance et qui n'admet pour jugement que celui de l'individu appliqué à sa propre vie. Aujourd'hui sur France Culture, dans le cours de l'histoire, nous partons à la rencontre d'un étonnant personnage qui s'appelle Benjamin Lay. Et l'historien Marcus Rediker est là pour nous en parler. Il faut rappeler que ce Benjamin Lay, que vous mettez à l'honneur dans cet ouvrage « Un activiste des Lumières », Benjamin Lay est un Quaker. Alors nous avons entendu là dans le petit son de l'archive de radiodiffusion que William Penn, ce Quaker, c'est un nom qu'on a peut-être oublié, mais dès qu'on le recontextualise, on voit qui il est. William Penn a fondé la Pennsylvanie, et la Pennsylvanie a été donnée, un nom donné en son honneur. Ces Quakers, qui sont un mouvement en fait religieux de l'Angleterre, construisent l'univers mental de Benjamin Lay, parce qu'il est né dans ce monde des Quakers. Mais qui sont-ils, en fait? Parce que Benjamin Lay est né en Angleterre, c'est un Anglais. Yes. Benjamin Lay was a Quaker. Benjamin Lay était Quaker. C'est très important de le comprendre parce que c'est central dans son identité. Les Quakers sont un groupe de protestants radicaux qui trouvent leurs origines dans la Révolution anglaise entre les années 1640 et 1650. À l'époque, ils s'opposaient à la monarchie. Ils faisaient partie d'un mouvement révolutionnaire qui tentait de réinventer l'Angleterre. Et en particulier, les Quakers étaient connus pour leur croyance, leur foi très profonde dans l'égalité de toutes les âmes, une égalité d'ordre spirituel. Toutes les personnes, qui que vous soyez, quelles que soient vos richesses, votre pauvreté, que vous soyez blanc, noir, homme ou femme, toutes les personnes pour les Quakers étaient égaux, égales devant, aux yeux de Dieu. Et c'était une idée extrêmement radicale, puisque ça signifie que l'ordre naturel des classes n'était pas légitime. Les Quakers, quand ils rencontraient un gentleman, refusaient de retirer leur chapeau. C'était quelque chose d'extrêmement subversif au XVIIe siècle. Et donc Benjamin Lay fait partie d'une tradition qui avait cette radicalité vraiment de façon très intime. Mais après la Révolution anglaise, les Quakers sont devenus en réalité plus conservateurs. Ils ont perdu certaines dimensions révolutionnaires de leurs origines. Et George Fox, qui était vraiment le premier fondateur de la foi Quaker, a mis en place une série de réformes destinées à garder des radicaux comme Benjamin Lay à la marge. Il y avait des membres de ce mouvement au départ, comme James Naylor, par exemple, qui lui-même était bien plus radical que Fox, et en fait qui était aussi très important comme figure du mouvement. Benjamin Lay, lui, il a en fait porté ses origines révolutionnaires des Quakers à son époque, même s'il est né 22 ans après la restauration de la royauté en 1660. Lui, il est né en 1682, mais il a réussi à rallumer cette flamme révolutionnaire du quakerisme. Et il y a une personne qui s'est énormément intéressée aux Quakers, c'est Voltaire. Quand Voltaire était en exil en Angleterre, en 1778, en 1728, il a voulu rencontrer des Quakers. Il est allé à des assemblées, il s'est intéressé à leur théologie. Et quand il était à Londres, je crois en fait qu'il y a une chance qu'ils aient été en présence à un moment avec Benjamin Lay. Je me demande ce qu'ils auraient pu se dire. On ne le sait pas, mais ça fait toujours plaisir de rêver ces rencontres éventuelles. C'est vrai que vous évoquez, Marcus Rediker, cette flamme révolutionnaire des Quakers. Nous sommes en Angleterre, nous sommes au début du XVIIIe siècle. A priori, en Angleterre, il n'y a pas d'esclaves. A priori, c'est un questionnement que les gens n'ont pas apporté. Je pense à Benjamin Lay, qui vient de ce monde des Quakers de l'Angleterre, donc on est complètement à l'est de l'Angleterre, il n'a pas à réfléchir au monde des esclaves. Pourtant, ce sont des questionnements qui traversent malgré tout les sociétés. Vous venez d'évoquer l'intérêt que Voltaire pouvait porter sur les Quakers. Contrairement à des idées répandues que tout est cloisonné, que les informations circulent moins qu'aujourd'hui, en vérité, toutes les informations circulent et les Quakers s'emparent de ces grands problèmes de société. C'est au cœur aussi de leurs débats, de leurs interrogations, l'esclavage. C'est vrai que l'esclavage était au centre de l'ascension de l'Empire britannique et de l'Empire français et de tous les autres empires européens en Amérique. Et donc cette idée a circulé et est revenue aussi jusqu'en Europe. Le point central pour Benjamin Lay, le moment crucial, c'est le moment où il est allé travailler comme marin. Même s'il était tout petit, il ne faisait qu'à peu près 1m20, il était atteint de nanisme. Il était apparemment très fort, il était assez agile et il est devenu marin. Et il a navigué tout autour du monde pendant à peu près 12 ans. Et pendant cette époque, il a commencé à découvrir l'esclavage, à entendre des histoires, des lamentations de ses camarades marins au sujet de l'esclavage en Afrique du Nord, mais encore plus important, l'esclavage racial tel qu'il existait dans les Amériques. Donc Benjamin Lay a découvert l'esclavage auprès de ses collègues. Et puis, en 1718, il est allé à la Barbade pour y vivre, pour s'y installer, et c'était l'une des principales sociétés esclavagistes du monde. Marcus Rediker, vous nous avez présenté ce portrait de Benjamin Lay, de ses origines dans ce monde de l'Angleterre, des Quakers, des protestants radicaux. Et puis, vous l'avez dit, il est petit. Aujourd'hui, on dirait une personne de petite taille. À ce moment-là, on disait un nain, c'est un nain, il est petit, il est bossu, il a une protubérance sur la poitrine. Cet aspect physique est également important. C'est-à-dire que Benjamin Lay ne passe pas inaperçu. On le remarque, il a un physique en fait très particulier. Ce physique est important pour expliquer un peu comment très vite il est repéré. On sait qui est Benjamin Lay. Oui, c'est vrai. Benjamin Lay était atteint de nanisme. C'était un homme petit, même si de façon rétrospective, c'était un géant d'un point de vue historique. Et il écrit d'ailleurs dans son livre que les gens se moquaient de lui à cause de sa taille. Il a souffert d'énormément de discrimination. Je pense que c'est en fait très important pour comprendre l'empathie qu'il a pu développer pour d'autres personnes qui souffraient de discrimination, qui souffraient de l'oppression, en particulier les personnes d'origine africaine qui travaillaient comme esclaves dans les sociétés esclavagistes comme celle de la Barbade. Je pense que Benjamin Lay avait une capacité incroyable à l'empathie pour ces autres personnes. Et je crois que sa propre expérience en tant que personne de petite taille avait énormément à voir avec ça. Il n'en a pas énormément parlé, en tout cas d'après les sources que nous conservons. Même quand quelqu'un se moquait de lui, il se disait toujours que ce n'était pas seulement pour sa taille, mais à cause des idées qu'il défendait. Il pensait que c'était mes idées qui étaient dangereuses. Dans un débat sur lequel je suis tombée, c'était une découverte intéressante. Au cours de mes recherches, Benjamin Lay a eu un débat avec un gentleman de Philadelphie qui l'insultait au sujet de sa taille, et Benjamin Lay a répondu « Ne parlons pas de ma taille, parlons de la qualité et de l'humanité de nos idées ». C'est de ça qu'il faut débattre. Et il est évident que ses idées sont beaucoup plus choquantes pour ses contemporains que sa taille. Il se trouve à la Barbade, au milieu des esclaves, et il a cette démarche particulière d'écouter cette parole. Cette parole d'esclave, nous allons également l'écouter. Elle est lue par Jean Villard. Alors, c'est une parole très particulière. Jean Villard lit un témoignage enregistré dans les années 1960 d'un Cubain, un Cubain noir de 104 ans, qui a donc connu l'esclavage. Écoutons Jean Villard. Pour une bagatelle à cause d'une salissure, les esclaves étaient mis au carcan et battus pendant 2 ou 3 mois. Les surveillants n'y allaient pas de main morte avec le fouet de cuir. Les femmes enceintes, ils les couchaient sur le ventre pour que l'enfant ne soit pas perdu. J'ai vu beaucoup de mes frères avec des épaules rouges. Les surveillants frottaient la peau déchirée avec des feuilles de tabac mouillées, mélangées de sel et d'urine. Ça brûlait comme le feu. La vie en esclavage était dure. L'individu en périssait. D'une telle vie, je ne voulus plus rien savoir. Ce que nous venons d'entendre, c'est l'enregistrement en 1963 fait par un ethnologue, Miguel Barnet, de la parole d'un Cubain de 104 ans, donc qui a connu l'esclavage. Une lecture donc par Jean Villard. Marcus Rediker, l'historien que vous êtes, vous vous intéressez donc à ce monde atlantique, à l'esclavage, vous disposez de sources, énormément de sources, mais ce sont des sources qui ne sont pas produites par les esclaves. L'esclave est muet, l'esclave laisse rarement de mots, de paroles. Et la démarche que fait Benjamin Lay, votre héros, sa démarche est justement d'aller écouter les esclaves, et par tout ce qu'il a pu nous rapporter, nous pouvons aborder, toucher, frôler du doigt ce qu'ont pu dire les esclaves. Il y a ça aussi d'intéressant, la démarche de l'historien démuni devant l'absence de sources, de témoignages directs d'esclaves et la possibilité peut-être de l'approcher à travers ce personnage, Benjamin Lay, abolitionniste. Je pense que ce que vous venez de dire est un point extrêmement crucial. Il est important que tout le monde comprenne que les personnes réduites en esclavage étaient les premiers abolitionnistes. Ils luttaient chaque jour contre cette institution de l'esclavage, ils luttaient pour la survie. Et au cours de cette lutte, ils trouvaient des alliés, des gens comme Benjamin Lay. Ils ont mis énormément de temps avant d'avoir des alliés réellement engagés à leur côté, mais je pense que ce qui est crucial dans l'expérience de Benjamin Lay, ça a été le moment où il a vécu à la Barbade, le fait qu'il l'ait connu, rencontré, discuté avec des personnes réduites en esclavage dans la petite boutique qu'il avait sur le port avec sa femme Sarah Lay. Les personnes réduites en esclavage, les esclaves venaient dans sa boutique, certains s'évanouissaient littéralement de faim. Il a vu énormément de choses à Bridgetown, à la Barbade. Il a également assisté à des actes de torture, à des exécutions. Il a vu des personnes qui travaillaient dans les manufactures, les usines de sucre et qui perdaient leurs mains à cause des machines. Et tout cela, il a réussi à le découvrir. Il a compris que c'était au cœur de l'esclavage et il a compris que c'était des choses auxquelles il fallait résister de toutes les manières possibles. Benjamin Lay, d'une certaine manière, était une réponse à une citation célèbre, celle d'Aimé Césaire, qui a dit « Je serai la langue de ceux qui n'en ont pas ». Benjamin Lay a essayé de représenter les intérêts et les préoccupations des esclaves. Il a pris leur lutte sur ses épaules. Eh bien justement, Marcus Rediker, nous allons écouter Aimé Césaire, un poème issu du cahier d'un retour au pays natal, écrit en 1939. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abâtardissement. Tam tam de main vide, tam tam zinan de plaies sonores, tam tam burlesque de trahison tabide. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal en 1939. Marcus Rediker, Benjamin Lay s'installe à la Barbade. Benjamin Lay discute avec les esclaves, constate la misère. Je vais vous poser une question qui est sans doute est difficile, mais vous êtes le biographe de Benjamin Lay. Vous avez dû vous poser cette question-là. Pourquoi autant de véhémence pour être abolitionniste à un moment de l'histoire, début du XVIIIe siècle, où ce n'était pas la norme? Alors, la petite taille, le fait d'avoir vécu des discriminations ne suffit pas, on le sait, à expliquer ça. Il y a sans doute un faisceau d'analyse, mais vous, en tant qu'historien, en tant que biographe, je sais que l'historien ne fait pas de psychanalyse. Comment analysez-vous cette véhémence abolitionniste de Benjamin Lay? Je pense qu'il est important de savoir que les valeurs de Benjamin Lay en tant qu'être humain dépendent de trois grandes expériences principales. D'abord, ce quakérisme radical dont on a parlé, ensuite son expérience en mer. En tant que marin, il croyait à la pratique de la solidarité. Les marins travaillaient dans un environnement extrêmement dangereux et devaient prendre soin les uns des autres et veiller les uns sur les autres à tout moment. Benjamin Lay pensait que la solidarité humaine était quelque chose de très important. Sa troisième expérience, ça a été d'assister au combat mené par les Africains à la Barbade, par les esclaves, leur lutte quotidienne pour survivre. Quand on rapproche ces trois éléments, on comprend que Benjamin Lay pensait que la pratique de l'esclavage violait les valeurs humaines les plus fondamentales, ces valeurs de marins qui croyaient en la solidarité. Cela violait aussi ces valeurs de Quaker qui croyaient à l'égalité de toutes les âmes. Ce sont des choses très profondes pour lui. Mais enfin, il y a un autre élément qui est sa propre personnalité. Il avait une personnalité particulièrement forte. Quand il voyait de l'injustice, ça le rendait en colère. Il était opposé de façon extrêmement véhémente à tout ce qui lui semblait mal et il avait le sentiment qu'il fallait qu'il s'exprime à ce sujet. Ce que j'ai découvert au sujet de Benjamin Lay, c'est qu'il a été très influencé par la philosophie grecque antique, les cyniques notamment, et en particulier Diogène, dont la valeur principale était qu'il fallait toujours dire la vérité quand on était confronté au pouvoir, quand on s'adressait au pouvoir, et que quand on découvrait des injustices, il fallait s'exprimer. Et Benjamin Lay a pris cette idée extrêmement à cœur. Donc il y a une association entre ses expériences, sa personnalité et son engagement, sa détermination à affronter les personnes de pouvoir, et notamment les propriétaires d'esclaves. Si on associe tout ça, c'est là qu'on comprend d'où vient sa véhémence. Benjamin Lay, personnage extraordinaire que vous étudiez, Marcus Rediker, un activiste des Lumières, cet homme venu d'Angleterre, qui voyage, qui découvre l'esclavage, qui est révolté face à l'esclavage. Désormais, il va avoir une mission, c'est de dénoncer l'esclavage. Il va quitter la Barbade, partir aux États-Unis. Et en clin d'œil à ces hommes qui travaillent enchaînés, nous écoutons Sam Cooke avec une chanson de 1960. Saying well, don't you know that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Chain gang, that's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, Sam Cooke qui chantait en 1960 Chain Gang, un clin d'œil à ces prisonniers qui travaillent enchaînés, un clin d'œil à ces esclaves qui travaillent enchaînés dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Nous parlons de Benjamin Lay, un activiste des Lumières que nous présente Marcus Rediker. Nous avons bien compris que cet homme de petite taille, 1m20, bossu, est révolté par l'esclavage. Mais sa révolte, il ne la conserve pas pour lui. Et ce personnage héros, réel, cet homme incarné dans son siècle, décide d'aller bouger la société. Et c'est étonnant d'ailleurs ce contraste entre cette petite personne, sans moyens, sans instruction majeure, qui décide d'aller changer le monde. Il part aux États-Unis, il rejoint les Quakers en fait aux États-Unis. Comment va-t-il tenter de faire bouger les choses, Marcus Rediker? Quand Benjamin Lay arrive en Amérique en 1732, il pense arriver au paradis des Quakers. C'était une colonie fondée sur les idées Quakers, sur ces idéaux de liberté, de tolérance, d'un traitement équitable pour toutes les personnes. Et quand il arrive là, il découvre qu'il y a aussi de l'esclavage, exactement comme à la Barbade. Ce n'est pas aussi extrême. Il n'y a qu'une personne sur 10 à Philadelphie qui est esclave. Mais il est indigné. En Pennsylvanie, il découvre également que la moitié des membres des assemblées des Quakers à Philadelphie possèdent eux-mêmes des esclaves. Cela l'indigne tellement qu'il décide qu'il doit faire absolument tout ce qu'il peut pour mettre un terme à cette pratique. Ce qu'il fait, c'est qu'il commence à mener une campagne en dénonçant les propriétaires d'esclaves, l'esclavage, et en particulier donc les propriétaires. À chaque assemblée où il va, à chaque rassemblement, il trace une ligne et demande aux gens de se positionner pour ou contre l'esclavage. Il n'y a pas de possibilité au milieu, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Et il dit que c'est mal à ses camarades Quakers parce qu'il croit à l'injonction de la Bible qui dit qu'il faut faire aux autres ce qu'on veut qu'ils vous fassent. Il leur dit, si vous croyez dans cette idée qui est censée être centrale dans le quakérisme et dans la christianité de façon générale, dans le christianisme, dans ce cas-là, on ne peut pas posséder d'esclaves. Personne ne voudrait être esclave. Personne ne veut être traité de cette façon. Donc, il faut libérer les esclaves. Il commence cette campagne d'agitation publique qui est extraordinaire. Il commence aussi à faire ce que j'appelle du théâtre de guérilla. Ah oui, alors là, il faut vraiment souligner cette personnalité de Benjamin Lay, sa capacité à faire le spectacle pour faire avancer ses idées, pour utiliser des mots complètement anachroniques, mais il y a une notion de communication, de marketing. Il met en scène ses indignations et il les met très bien en scène dans votre ouvrage. Un activiste des Lumières, vous en racontez plein. Mais c'est vrai qu'il est resté aussi connu pour cela. Il mange à la table de personnes qu'il invite. Il se rend compte qu'il y a des esclaves. Il se lève et il s'en va. Ça, on va dire que c'est le minimum qu'il peut faire. Mais parfois, il va très très loin. Vous racontez ça, Marcus Rediker, dans votre ouvrage. Mais c'est de la folie. J'allais dire le coup de la vessie remplie de jus de raisin, c'est fou. Okay. Yes, Benjamin Lay's most famous. Benjamin Lay, son acte de théâtre de guérilla le plus, qui restait le plus célèbre, c'est la fois où il est allé à une grande assemblée de Quakers. Des centaines étaient réunies, et en particulier les plus puissants, ceux qui possédaient le plus d'esclaves. C'était à Burlington, dans le New Jersey, en 1738, et Benjamin voulait leur délivrer une prophétie. Il se considérait comme un prophète, comme Isaïe dans l'Ancien Testament, comme Ésaü. Et donc, pour leur délivrer cette prophétie, il a porté un uniforme militaire, ce qui est très étrange, puisque les Quakers étaient des pacifistes. Ils s'opposaient à toute guerre, toute violence, ils refusaient d'utiliser, de se servir d'armes. Donc, il a revêtu cet uniforme militaire, il y a accroché une épée qu'il portait à la taille. Ensuite, il a pris donc une vessie d'animal qu'il a remplie de jus de fruits rouges, bien rouges, et il l'a placé dans le compartiment secret d'un livre. Il a fermé ce livre, et puis il a passé un manteau par-dessus tout cet uniforme, cette épée, ce livre, pour que personne ne le voie. Il est allé à cette assemblée, il s'est placé très proche de ces Quakers les plus riches, ces personnes vraiment qu'il détestait. Et les Quakers n'ont pas de cérémonie organisée. Les gens en parlent au moment où l'esprit les saisit. Et donc Benjamin s'est levé et il a dit que l'esclavage était le plus grand péché du monde. Et puis il a rejeté en arrière son manteau, il a révélé son uniforme militaire. Et donc tout le monde a retenu son souffle, a poussé un cri. Et là, il a levé le livre au-dessus de sa tête, il a sorti son épée et il a dit, Dieu se vengera de tous ceux qui oppressent les créatures comme eux. Et là, il a planté son épée dans le livre et le sang a commencé à dégouliner le long de ses bras et il en a arrosé la tête des propriétaires d'esclaves. Donc, c'était le chaos dans la maison des Quakers et lui, il restait totalement immobile. Il a observé ce qui se passait jusqu'à ce que plusieurs hommes se saisissent de lui et le jettent dehors. Ça a été sa manière d'incarner ses idées par l'action, de montrer que si on possède des esclaves, on est voué à la catastrophe et que ça détruira également les Quakers, le quakérisme. Et c'est comme ça qu'il a fait passer son message. Nous comprenons bien, Marcus Rediker, que face à Benjamin Lay, nous avons un personnage extraordinaire dans sa capacité à porter ses idées. Nous avons un contexte favorable dans le monde des Quakers où il y a des assemblées qui lui permettent de prendre la parole, ce qui est important aussi parce que pour pouvoir exprimer ses idées, il faut avoir une assemblée pour prendre la parole. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons un personnage qui réfléchit et qui écrit. Alors, il écrit. C'est un peu complexe parce que ça part dans tous les sens, son écriture, mais tout de même, il arrive à faire un ouvrage qui, aujourd'hui, dans sa lecture, est important, fondamental même, dans ce que peut être l'abolitionnisme au XVIIIe siècle. Cet ouvrage, c'est « All Slave Keepers That Keep the Innocent in Bondage » Apostates, tous les maîtres d'esclaves, c'est-à-dire tous ceux qui retiennent l'innocent dans des fers, sont des apostats. Nous écoutons un extrait de cet ouvrage qui nous est lu par Mélodie Auru. « bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Y a-t-il dans le monde un fruit plus dommageable que l'esclavage? Quelque chose de plus diabolique? L'esclavage et l'enfer sont de même nature, et l'esclavage est le ventre de l'enfer. Il est depuis longtemps admis que des esclaves travaillent pour nous et prennent continuellement soin de nos personnes, et qu'en plus ils lavent, nettoient, récurent, cuisinent, toujours avec finesse et goût, cousent, tricotent, reprisent, fassent toujours preuve d'obéissance et soient à portée de main, et que de surcroît ils s'occupent de la traite, du barattage, de la fabrication du fromage, de l'ensemble des tâches pénibles, de la laiterie à la cuisine, de l'intérieur à l'extérieur de la maison. Et nos filles, fières, délicates et paresseuses, restent assises, les mains jointes à la manière des femmes les plus méprisables. Et quoi qu'elles désirent, plutôt que de se lever, elles interrompent la pauvre esclave au milieu de ses travaux. Ces pratiques ont conduit à la ruine de plus d'un homme. Et mon esprit est affligé à la pensée de nos ancêtres qui ont pourtant encouragé ce comportement. C'est un extrait de l'ouvrage de Benjamin Lay, écrit en 1738, un ouvrage contre l'esclavage. Marcus Rediker, vous êtes le biographe de Benjamin Lay, mais vous êtes surtout historien, professeur d'histoire atlantique à l'université de Pittsburgh, et comme tout historien, vous vous méfiez de l'effet loupe. La personne que l'on étudie, l'objet que l'on étudie ne doit pas cacher le tout. Benjamin Lay doit se comprendre dans un ensemble plus vaste. Il n'est pas le seul abolitionniste au début du XVIIIe siècle, et en l'occurrence pour son ouvrage, la publication de son ouvrage, il s'adresse à une autre figure de l'abolitionnisme. Enfin, c'est Benjamin Franklin, figure de l'abolitionnisme, ou en tout cas personne vers qui on peut aller pour réfléchir sur ces sujets-là. C'est vrai qu'il faut mettre Benjamin Lay dans un ensemble plus vaste de pensées. Oui, tout à fait, il faut le remettre dans un tableau plus global. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'était formidable d'entendre les mots de Benjamin Lay en français. Ça m'a semblé extrêmement poétique. Je trouve ça formidable. Il n'était pas le seul abolitionniste, c'est vrai, Benjamin Lay. Et en fait, il croyait que beaucoup de gens, et en particulier des Quakers pauvres, étaient d'accord avec lui. Il pensait pouvoir contribuer à bâtir un mouvement. Mais il est aussi vrai, comme on l'a dit auparavant, que l'esclavage parmi les Européens américains était considéré comme quelque chose de tout à fait naturel. Et la plupart des gens, quand ils arrivaient en Amérique et qu'ils gagnaient de l'argent, achetaient des esclaves. Donc Benjamin Lay remarquait ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'il a été en lien avec Benjamin Franklin, personnalité très célèbre et bien connue en France également, je crois. Et oui, il a été ambassadeur chez nous. Une figure majeure des Lumières. Et Benjamin Lay était probablement plus éclairé, en l'occurrence, que Benjamin Franklin. Et Franklin l'admirait beaucoup, en fait, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles sa femme a commandité le portrait que l'on voit sur la couverture du livre, ce portrait de Benjamin Lay. C'était un cadeau pour son mari, pour Franklin. Quand Franklin a publié le livre de Benjamin Lay, il savait que ce serait extrêmement controversé. Et donc il n'a pas mis son nom en tant qu'imprimeur, il ne l'a pas mis sur la couverture. Mais bien des années plus tard, quand Franklin est devenu le président du comité anti-esclavage de Pennsylvanie, de la société anti-esclavage, il s'en est vanté de l'avoir publié ce livre. Donc je crois que Franklin lui-même montre l'influence de Lay jusqu'au sommet de la société, jusqu'au plus haut niveau, des gens très éminents ont été influencés par ces idées. Et c'est en cela que votre démarche, Marcus Rediker, est essentielle. Remettre à l'honneur un personnage qui a été très influent dans son siècle, qui a ensuite été oublié, que vous vous mettez aujourd'hui dans une perspective historique beaucoup plus vaste, parce que en tant qu'historien, vous n'êtes pas juste sur une petite biographie, c'est pas du tout ça votre ouvrage, c'est une compréhension de toute une partie du XVIIIe siècle. Et puis, dans votre démarche, il y a ces figures toujours en marge, Benjamin Lay en est une, c'est le personnage principal de ce dont on parle aujourd'hui, mais à la marge de la marge, il y a d'autres personnages. Et je voudrais qu'on évoque Sarah. Sarah, parce que toujours à côté de l'homme, il y a une femme, et quand l'homme est en marge, sa femme l'est encore plus, bien souvent, hélas. Sarah Lay est essentielle, l'épouse de Benjamin Lay. She's essential. Yes, Sarah Lay is. Oui, Sarah Lay est absolument essentielle. C'était une fille de la classe ouvrière qui a grandi sur la Tamise à Deptford, où il y avait beaucoup de marins. Je pense que c'est comme ça qu'elle a rencontré Benjamin quand il travaillait comme marin à l'époque. Sarah était aussi très engagée pour l'abolition, mais elle avait une personnalité différente et une approche différente. Elle était reconnue par les autres Quakers. C'était une personne très spirituelle, dont la spiritualité était très reconnue. Donc, quand les gens ont été choisis pour voyager d'une assemblée de Quakers à une autre pour apporter un conseil spirituel, c'était le genre de personne qu'ils choisissaient souvent. Et j'aimerais mentionner que c'est Sarah et d'autres femmes Quakers très puissantes qui ont joué un rôle dans la décision qu'ils ont prise de s'installer en Amérique, tous les deux. Donc, ces femmes prenaient des décisions très importantes et en fait, elles ont une influence certaine sur le cours de la vie de Benjamin Lay. J'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver toutes les informations que je pouvais sur Sarah, mais elle est une ombre dans l'ombre du nombre. Mais aucun doute, elle était extrêmement importante. Et quand elle est morte, elle a été saluée par énormément de personnes comme quelqu'un qui était très engagé contre l'esclavage. Et Benjamin Lay lui-même, hein, vous le dites, Marcus Rediker dans l'ouvrage, rappelle que c'est un cœur tendre. Enfin, il n'arrête pas d'évoquer le souvenir de son épouse. Juste pour finir, nous avons ici avec Benjamin Lay un personnage qui, au début du XVIIIe siècle, est abolitionniste. Il est végétarien, il ne boit que de l'eau. À la différence de tous ses contemporain, il veut la crémation, il veut pas être enterré. Ça nous touche aujourd'hui, personne du 21e siècle, ce personnage. Il nous parle authentiquement, c'est même troublant. Ça vous a troublé? Ce que je peux dire, c'est que ma rencontre avec Benjamin Lay a été en permanence stupéfiante. Vivre avec quelqu'un qui avait un esprit aussi radical en faisant ses recherches, c'était une véritable joie, un grand plaisir. J'ai appris énormément de choses de lui. C'est vrai, il était vegan 2 siècles avant qu'on invente le mot. Il avait beaucoup d'idées qui n'étaient pas du tout orthodoxes. Vous avez mentionné le fait qu'à la fin de sa vie, il a demandé à avoir une crémation et qu'on jette ses cendres à la mer. Je pense que c'était en l'honneur de la communauté des marins qu'il aimait profondément. Mais les gens ne savent pas qu'à l'époque, la crémation n'était pas du tout acceptée. Ce n'est qu'au 19e siècle. À l'époque, c'était la pire forme d'enterrement païen, de cérémonie païenne. Donc, c'était vraiment un libre penseur. C'est ça ma conclusion. Il a défendu les droits des animaux à une époque où c'était vraiment important. Il avait vraiment une vision globale, radicale de l'ensemble du monde. Dans tous les domaines, il choisissait toujours le point de vue le plus révolutionnaire. Marcus Rediker, vous avez rencontré Benjamin Lay. Et merci, je vous le redis, de nous le présenter, un activiste des Lumières, le destin singulier de Benjamin Lay, au Seuil. Merci beaucoup Marcus Rediker. C'est l'heure de retrouver Anaïs Quien pour le Journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le Journal de l'Histoire, c'est une histoire d'espionne. Yeah, you have to talk real slow. My name is pronounced Mart. M-A-R-T, the rest is silent. Mart Hofnung-Kohn vit en Californie. Fringante et minuscule vieille dame, elle maîtrise parfaitement les technologies de l'information moderne et s'attriste quand son hôtel n'a pas la Wi-Fi. Nicolas Hens la filme au fil de ses inlassables tournées de témoignages à travers le monde, toujours accompagnée de son mari, deux nonagénaires très busy. Parce que Marthe a une mission à accomplir, celle de raconter son histoire, celle du temps où on l'appelait Chichinette dans les services de l'intelligence de l'armée française, qu'elle a probablement tourmentée pour mériter son surnom. J'étais soumise à un entraînement extrêmement intensif. Il n'y avait que moi et des hommes. Et il m'enseignait toute la journée. J'ai appris le morse, à utiliser un compas, à coder et reconnaître toutes les uniformes allemands.